fleuve, avion barbare. Lorsque nos ancêtres ont vaincu les Romains à Alésia, et là ce temps est révolu. Depuis que sont venus les cosmopolites qui ont perverti la jeunesse et anéanti nos valeurs. Mais un jour se réveillera la colère du peuple franc, qui nous feront vaincre les bougnoules par l'atavisme de nos valeurs. Mais un jour se réveillera l'atavisme de nos valeurs, qui nous feront vaincre les sémites par la colère du peuple froid. Il est loin le temps de François Ier qui révoqua l'édit de Nantes pour lutter contre les hérétiques qui menaçaient notre nation. Et là ce temps est révolu depuis que sont venus les juifs qui ont perverti nos valeurs et ont anéanti la jeunesse. Mais un jour se réveillera l'atavisme de nos valeurs, qui nous feront vaincre les sémites par la colère du peuple froid. Mais un jour se réveillera la colère du peuple franc, qui nous feront vaincre les bougnoules